les autres les deux chiens. Dois-je les quitter immédiatement tous les deux? Désormais, c'est à vous de répondre aux questions. Vous êtes seuls.